Bonjour tout le monde. Listening task chapter 2. Listen carefully to the following 5 statements. Write down each sentence. Each of the statements will be repeated twice. Ready? Okay, here we go. 1. Deux femmes parlent. You write? Deux femmes parlent. 2. Evelyne étudie à El Camino College. Evelyne étudie à El Camino College. 3. Le professeur d'économie de Joanne est agréable. Le professeur d'économie de Joanne est agréable. 4. Evelyne préfère la glace au chocolat et la musique. You write? Evelyne préfère la glace au chocolat et la musique. 5. Joanne adore les chaussures et les t-shirts. You write? Joanne adore les chaussures et les t-shirts. Now, listen to the following dialogue and take some notes if you can. Students meet at school. They are trying to get to know one another. Find out what their school life is like and what their preferences are. Salut, je m'appelle Evelyne. Et toi? Moi, c'est Joanne. Tu étudies à El Camino? Oui, ce semestre, j'étudie le français, l'histoire, les maths et l'anglais. Et toi? Moi, j'étudie l'informatique et l'économie. Je préfère l'informatique, mais je n'aime pas bien l'économie parce que le professeur est désagréable. C'est triste, ça. Moi, ce semestre, j'adore toutes mes classes. Mes profs sont sympas. J'étudie bien pendant la semaine, mais le week-end, c'est plus cool. J'aime téléphoner à mes amis, manger au restaurant. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Ça dépend. En général, j'adore acheter des vêtements à Macy's et j'aime aussi beaucoup les chaussures noires en particulier, et les t-shirts chics. Et toi, quels vêtements préfères-tu? Tu ne vas pas me croire, je déteste acheter des vêtements, mais j'aime beaucoup les sacs rouges ou noirs. J'adore aussi écouter de la musique et manger de la glace au chocolat. De la bonne musique, un bon livre et du chocolat avec mes amis, bien sûr, ça, c'est le week-end parfait. Là, je te comprends. C'est super. Tiens, voilà mon amie Anne. Tu sais, elle adore la glace au chocolat comme toi et la musique aussi. Le week-end prochain, allons à Baskins & Robbins à Borders. Et peut-être à Macy's, qu'en penses-tu? Excellente idée. Allons-y. Ça va être super. Now, look back at the sentences you wrote at the beginning of this activity. Listen to the dialogue again. After each sentence, write in French, vrai? V-R-A-I. That means true. Or faux. F-A-U-X. That means false. Check your answer against the dialogue one more time if you need to. Voilà. All done for today. Until tomorrow, à demain.